Les grands feuilletons de France Culture. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Arthur Rance. Good day, gentlemen. Comment allez-vous? Oh, you remember me, dear fellow? Oh, bien sûr que je vous reconnais. Et vous-même? Oh, comment ne pas reconnaître le cher petit journaliste qui m'a accompagné le long du buffet de la soirée à l'Élysée? Ah. Oh, le champagne était de grande qualité. Aucune comparaison avec le champagne californien. Ah ben, heureusement, dites donc. Sir Arthur, permettez-moi de vous présenter mon ami Sinclair du barreau de Paris, un de nos grands avocats à venir. Oh, how you do? Thank you. Je vous remercie, très bien. Vous êtes venu déjeuner? Oh, absolument pas. Je vous ai vu partir et je suis descendu dans la chambre pour venir vous serrer la main. Ah, voilà qui est très aimable à vous. Ah non, non, je déjeune avec mon ami le professeur. Mais je vois que vous avez fini. Puis-je vous offrir le digestif? Non, merci, vous êtes gentil, c'est déjà fait. Alors, je vous tiens un peu compagnie avec cette flasque d'excellent bourbon qui ne me quitte jamais. Santé. Santé, santé, santé, santé. Je dois dire qu'après cette soirée mémorable à l'Élysée, je ne pensais plus avoir le plaisir de vous revoir. Oh, pourquoi dites-vous cela? Ben, vous m'aviez confié votre intention de quitter la France et de regagner les États-Unis, alors... Oh, yes, c'est parfaitement correct. Bah, quand j'ai appris l'attentat, j'ai voulu être sûr avant de partir que cette chère Mathilde était hors de danger. Mais je t'amène des choses. Hey, comme vous dites, maître. Ah, mes bons amis. It's very, very strange case. Mm. Comme vous dites, mysterious. Ah, vous vous intéressez Oui, le moyen de faire autrement. D'abord le côté sportif et puis l'amitié. Je connais les Stangerson depuis many, many years. Je leur dois bien cela, non? Et peut-on vous demander, Sir Arthur, ce que vous pensez de cette affaire? Ah, oh, I think, maître. Je crois que Frédéric Larsan est un remarquable enquêteur. Ah. Ouais, ses déductions, son sens de l'observation. Oh oui, il est très fort. Hein. Il me fait penser à notre extraordinaire Pinkerton. Ah, Pinkerton, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui? Pas vraiment. Vous permettez? Je vous en prie. Mais par contre, j'ai longuement parlé avec le professeur Stangerson. Ah. Dites-moi, Sir Arthur, est-ce indiscret de vous demander comment vous avez fait la connaissance des Stangerson? Oh, pas du tout. C'était à Philadelphie, il y a environ une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et quelle est votre spécialité, si je peux dire? Ah, en disant qu'aux États-Unis, on me considère comme un phrénologue éminent. Ah, un phrénologue, excusez-moi. Oui, étude des fonctions et du caractère intellectuel de l'être humain d'après la conformation crânienne. Phrénologie. Oh, bravo, maître. Mes félicitations. Je vois que vous êtes très au courant. Oh, je n'ai pas grand mérite, sir Arthur. Les travaux de Cole et Lavater sont également connus en France. Oh. Alors, comme ça, vous étudiez les bosses du crâne. Yes, my dear fellow. Et alors, la grosseur aussi? Oh, la grosseur ne fait rien à l'affaire. On a déjà vu des génies à petit crâne et des imbéciles à grosse tête. J'en tiens la formule. Et vous pensez que la phrénologie puisse aider à faire la lumière sur le mystère du gland qui est... Oh, certainement not. Non, je ne le pense pas. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention d'éclaircir l'affaire qui donne autant de soucis à des esprits aussi subtils que ceux de Frédéric Larsan ou de M. de Marquet, sans compter le M. Dax. Autrement dit, vous adoptez la thèse de la police et de la magistrature et vous croyez en la culpabilité de Robert Darzac. Oh, vous savez, c'est certainement plus complexe que tout cela. Mais vous êtes terriblement direct. Hein? Non, voyez-vous, mon ami, j'ai connu Robert Larsac quand les Stangerson se sont installés en France. Je leur ai rendu visite et Darzac aimait Mathilde en silence. C'était l'amoureux résigné, vivant dans l'ombre et parmi les travaux de son bien-aimé et de son maître. Mmh. Ah, la vie est curieuse, vous savez. À Philadelphie, bien des années auparavant, j'avais eu l'occasion de sauver la vie de Mathilde en me jetant aux morts d'un cheval emballé. Cela crée des liens, l'amitié, l'affection... Mais j'espérais plus. Impossible. Je n'ai jamais eu droit qu'à sa ravissante main à baiser. Mathilde Stangerson a pratiquement refusé tous les partis. Une tour d'ivoire. Très belle. Mais d'ivoire. Alors, puisque vous me posez la question, je dirais que ce serait franchir un grand pas en prétendant que Darzac est coupable. Non, il est plus rationnel de penser qu'il n'est pas étranger au fond de l'affaire. Sir Arthur... Vous auriez dû être avocat. Vous avez une façon d'élucider les questions. Ah, ça, c'est du grand art. Thank you, Mr. Avocat. Darzac et les Stangerson sont très liés, et malgré cela... Eh oui, oui, malgré cela, il y a ce qui est réfutable et ce qui est irréfutable. Mon ami, le professeur Stangerson, a bien voulu me raconter en détail les événements qui se sont déroulés tout d'abord au cours de la nuit de l'attentat et l'inexplicable disparition de l'agresseur. Et je sais aussi, M. Rouletabille, les efforts que vous avez faits pour apporter la solution cohérente au problème posé par le mystère de la chambre jaune. Oui. Et puis, Stangerson m'a également parlé de cette affaire encore plus confuse de la galerie mystérieuse. Car l'homme s'est manifestement évanoui dans l'atmosphère, non? Je n'irai pas jusque-là, mais je reconnais que l'affaire n'est pas simple. Eh, bon, c'est normal. Vous êtes un journaliste brillant, intelligent, fouineur. Moi, je ne suis, comme on vous dit en français, un vulgaire cartésien, c'est ça? Non, ne vous mésestimez pas, sir. Vous semblez avoir une vue sérieuse de l'affaire. Oui, mais elle ne concorde absolument pas avec votre façon de voir, c'est ça? Quelle importance! Oh, c'est juste. En discutant sur deux théories fausses, on peut très bien déboucher sur une solution vraie. Trop théorique, ça, Arthur. Oh, et puis, il y a aussi quelque chose qui me trouble beaucoup à chaque fois que j'y pense. Ah, quelle chose? Un fait indéniable et très ennuyeux. Chaque fois qu'un incident grave a porté à le château du Glandier... Le cher Robert Darzac est toujours inexplicablement absent. Vous êtes fortement influencé par les brillantes théories de Frédéric Larsan, on dirait. Oui. Par ailleurs, je considère Robert Darzac comme une personne bien habile et parfaitement inspirée. Quel nom? Moi, si je me trompe, c'est bien lui qui vous a positivement imposé et installé au château du Glandier, non? Et vous y voyez un rapport? Oh, aveuglant, oui. Ah, alors je serais curieux d'entendre cela. Mais, mon cher ami, en agissant comme il l'a fait, certains éléments plaident en sa faveur. Car qui pourrait douter qu'un jour ou l'autre, le célèbre Rouletabille ne fasse toute la lumière et découvre l'assassin? Sir Arthur, j'apprécie profondément votre sens de l'humour. Pourtant, on dit que les Américains n'en ont pas. Ce sont les Anglais qui ont de l'humour et les Français de l'esprit. Mais c'est précisément pour ça Oui, je ne sais pas dans quelle mesure vous ne venez pas de me faire un compliment empoisonné. Hein? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enfin, quoi que vous en pensiez, je découvrirai effectivement l'assassin. Je vais donc aller déjeuner tranquille et rassuré. Je me ferai également une joie de rapporter notre conversation au professeur Stangerson. Je crois qu'il sera vivement intéressé. Mais je ne fais pas l'ombre d'un doute. Well, goodbye, gentlemen. Have a good lunch, too. Thank you. I see you later. Oh non, mais qu'est-ce qu'il se croit? Et persifleur avec ça, hein? Sûr de lui. Oh, bah, c'est-à-dire de l'arçon et de la police officielle. Il en reviendra, le cher homme, il en reviendra. J'ai entendu que vous étiez en conversation, je n'ai pas voulu vous déranger. Ah. Vous permettez que la patronne vous offre le dessert? Oh, madame Mathieu, mais vous êtes une perle. Et je me charge de la publicité de votre établissement. Pas un de mes confrères ne passera dans le coin sans venir se régaler de votre cuisine et vous présenter ses hommages. Oh, monsieur, c'est trop. Non. Nous les préviendrons toutefois du caractère emporté et jaloux de votre mari. Hein? C'est à dire, tant que les rhumatismes le forcent à garder la chambre... Voilà. C'est une vieille recette de tarte transmise par ma grand-mère. Oh. Ouais, c'est curieux parce qu'on dirait une tarte à l'envers. Oui, et caramélisée. Mmh. Allez, goûtez. Ah bon? C'est vraiment par gourmandise, hein? Mmh. Ben vous ferez passer tout ça avec ce que vous avez laissé de brouillis dans la bouteille. Mmh. Non, c'est bon. Hein? Oh, c'est bon. Oh, que c'est moelleux. C'est sublime. Comment s'appelait votre grand-mère, Madame Mathieu? Tata. Oh. Madame Tata. Ah bon? Elle tenait un restaurant. Oh, la sainte femme. Oh, c'est bon, ça. Donc, encore un peu. Joseph. Oui? Joseph, vous croyez que Sir Arthur passera la nuit au château du Glandier? Alors ça, je vais vous dire, mon vieux... Je m'en... Que? Pardon? Non, je disais que je m'en souciais comme d'une guigne. Ah. Oui. Eh bien, écoutez, nous rentrerons à pied. C'est excellent pour la digestion. Sinclair, très grand Sinclair, vous êtes génial. Oh. Oh, ben je vous remercie. Le citadin sédentaire que je suis n'a plus un poil de souffle. Oh. Reconnaissez que le pays est beau. Avouez qu'il ne vous serait jamais venu à l'idée de venir traîner vos guêtres dans la région d'Épinay-sur-Orge. Ça, oui, ça j'avoue tout ce que vous voulez. Mais alors là, Joseph, vous êtes désarmant. Mais pourquoi donc? Enfin, je rêve, c'est pas vrai. Bon, je vous invite à déjeuner et vous me déclarez sans précaution que l'assassin viendra cette nuit. Que Darzac, se rendant à Paris, vous a confié Mathilde. Tout cela est frappé au coin du bon sens. Mais oui, et nous passons l'après-midi à nous bagnauder dans les bois, comme des collégiens, bavardant de tout, de rien, et surtout pas des circonstances de notre présence au château. Mais seriez-vous assez débile pour ne penser qu'à une seule chose à la fois? Joseph, je ne suis pas débile. Non. Mais je ne vous comprends pas. Eh bien, dans le cas présent, ça n'a aucune importance. Et il se fout de moi, en plus, c'est complet, ça. Non, après tout ce que vous m'avez confié, ne prendre aucune précaution pour empêcher l'assassin de venir cette nuit, je sais pas, ça relève d'une inconscience coupable. Ta-ta-ta-ta, rassurez-vous, toutes les précautions sont prises, l'assassin n'a aucune chance. Oui. Alors là, permettez-moi un soupçon d'incrédulité. Vous avez déjà dit ça le jour de la galerie mystérieuse, ça peut très bien recommencer. Bravo! C'est exactement ce que j'espère. Je ne souhaite que ça. Ah bon. Très bien. Alors, comme vous êtes décidé à ne pas m'en dire plus... Soyez tranquille, mon bon ami. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis calme. Je suis serein. Je vais vous confier quelque chose. Depuis le lever du jour, nous avons mis au point, les Bernier et moi, une surveillance parfaitement efficace autour du Glandier. Maintenant... Si personne ne vient du dehors, je suis tout à fait tranquille en ce qui concerne ceux du dedans. Vous me suivez? Oh, les yeux fermés. Ça, alors là, les yeux fermés. De toute façon, je ne comprends rien. Alors là, rien du tout. Aucune importance. Bon. Il est 6h30, on va jusqu'à la galerie. C'est exprès de marcher sur la pointe des pieds. Et vous, c'est exprès que vous parlez tout bas? C'était pour faire comme vous. Oh, mon Dieu, qu'il est bête. Bon, alors, vous connaissez les lieux. Oui. Nous sommes dans la galerie, aile gauche. Oui. Venez. Alors, ici, vous avez un cagibi. Vous vous rappelez? Dans ce réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur. Eh bien, vous serez là, vous verrez tout. Écoutez, je vous serais reconnaissant, Joseph, de ne pas mêler Victor Hugo à une conversation. De plus, je n'ai rien d'un Ruy Blas. Et vous, en reine d'Espagne, hein? Non, mais je ne plaisante pas. C'est un poste d'observation idéal. Vous surveillez sans être vu. Avouez que je vous gâte. Oui, oh bon, ça, alors là, merci bien. Mais, hein, il n'est pas content, le bon maître. Non, je ne suis pas content. Bon. D'abord, je vais vous dire, vous me faites jouer un rôle d'espion. Mais au service de la justice, Sinclair. Au service de la justice, vous entendez? Il n'importe ni mes instincts, ni mes mœurs pacifiques, ni ma dignité d'avocat n'apprécie ce genre de procédé. Voilà. Alors, si vous faites de la déontologie et si vous m'amenez vos règlements professionnels alors qu'il s'agit de sauver la vie d'une femme, il ne vous reste plus qu'à prendre le train du soir. Quoi? Oh, bah oui, ah bah voilà, tout de suite, les solutions définitives. C'est ridicule. Bon, alors, à quelle heure dois-je investir le placard à balai? Je vous le dirai. Pour l'instant, on retourne à ma chambre. Bien. Oui, là, c'est l'appartement de Mathilde. Oui, à droite, ils doivent être en train de dîner. Ah. Tenez, d'ailleurs, voici le maître d'hôtel qui sort. Venez voir, il a laissé la porte ouverte. Mais ça fait déjà plusieurs jours qu'ils prennent leur repas ensemble, hein? Oui, absolument. Entrez, je vous offre une fois de plus l'hospitalité. Ah, merci. Alors, oui. Comment vous me prévenez? Eh bien, c'est très simple. Vous n'aurez qu'à dénouer l'embrase du rideau de la fenêtre qui est dans la galerie droite, la plus proche du réduit où vous serez. Le rideau tombera de lui-même, d'où un carré d'ombre là où il y avait un carré de lumière, et le tour sera joué. Oui, mais moi, pour faire ça, il faudra que je sorte du cabinet noir. Oh, ben, vous ouvrez doucement la porte, vous tendez le bras, ça suffira amplement. D'où je me tiendrai, je vois tous les carrés lumineux des fenêtres de la galerie droite. Si l'un d'eux s'obscurcit, je comprendrai. Et j'apparaîtrai au coin de la galerie tournante. Et moi? Eh bien, vous, dès le signal donné, vous venez à ma rencontre, derrière l'homme. Comme ça, il sera coincé entre nous deux, et je verrai enfin son visage. Et s'il s'échappe mystérieusement? Ah ben, ma foi, tant mieux, je ne tiens pas à le prendre. Il fuira en dégringolant l'escalier, en empruntant le vestibule du rez-de-chaussée, et ça avant que vous n'ayez atteint le palier, puisque vous viendrez du fond de la galerie. Et vous ne l'arrêterez pas? Ah ben, mais surtout pas. Moi, je le laisserai filer dès que j'aurai vu sa figure. Mmh. Il ne me faut que cela. C'est tout ce que je demande, voir sa figure. Bien. Alors, si vous ne tenez pas à le prendre, c'est presque une chance qu'il ait réussi à s'évanouir l'autre nuit quand vous le poursuiviez. Nous y voilà. Si vous aviez pu voir l'expression rayonnante de Mathilde l'autre soir dans la galerie quand elle a appris que l'assassin avait pu filer, vous auriez été tout de suite sur le chemin de la vérité. Remarquez, vous avez droit à toutes les excuses, vous n'étiez pas là. Oui, et puis comme pour le moment, je suis dépassé. Et c'est ce soir-là, voyez-vous, que j'ai compris une chose importante. Pour sauver cette femme d'un scandale, il faut rendre cet homme muet de n'importe quelle façon. Mais surtout pas le prendre. Ben, le tuer, peut-être. Oh, ben, le tuer, le tuer. Dites donc, vous n'y allez pas de main morte, vous, pour un avocat. À moins que votre vie soit en danger, mon cher. Comment le rendre muet miraculeusement? Là, vous avez mis le doigt sur le problème. Mademoiselle Stangerson ne m'a pas fait de confidence. Il m'a fallu deviner en partant de rien. Non. Oui. Vous avez deviné? Disons que j'ai raisonné, et si mon raisonnement est juste, sa figure ne me surprendra pas. Voilà. Oh, Joseph, je pensais que vous aviez quand même une vague idée, le soir où vous avez sauté dans sa chambre. Je vous l'ai dit, la bougie était par terre, et puis cette barbe, une barbe qui n'en finissait pas. Alors, ah bon, parce que ce soir, il sera rasé. Il sera pas, non, pas forcément, mais la galerie est claire. Et puis enfin maintenant, je sais. Enfin, mon cerveau sait. Alors mes yeux verront. Ah, oui. Vous comprenez? Oui, enfin, vous allez me trouver idiot et comme ça ne changera pas. Enfin, bref. Puisqu'il ne s'agit pas de le prendre, mais seulement de le regarder, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de venir avec un arsenal? Ah! Alors, là, écoutez bien, c'est de plus en plus subtil. Si l'homme de la chambre jaune et de la galerie mystérieuse sait que je sais, il est capable de tout. Il faudra donc nous défendre. Eh bien, comme ça, tout est clair. Voilà. Et vous êtes sûr qu'il viendra ce soir? Ah, aussi sûr que vous êtes devant moi, mon bon maître. Eh bien, c'est très bien. Je vais avoir droit à une explication irréfutable. Oui, en quelque sorte. Jugez vous-même. Ce matin à 10h30... Très habilement, je dois dire, Mathilde m'a dit qu'elle s'était arrangée pour être cette nuit sans garde-malade. Mmh. Elle a donné 24 heures de congé à tout le monde sous des prétextes, disons, futilement plausibles. Oh. Vous admirez ma formule. Ah, oui. Merci, monseigneur. Elle n'a voulu pour la veillée que son père, le professeur, qui a accepté avec une joie d'enfant de dormir dans le boudoir de sa fille. Ouais. Seulement, lui, il n'entendra rien, le cher homme, puisque nous l'avons vu, elle s'est arrangée pour le droguer. Eh oui. Alors, c'est pas convaincant tout ça? Si on veut. Oh, si on veut! Saint Thomas, va! La coïncidence du départ de Darzac, les précautions exceptionnelles prises par Mathilde pour faire le vide autour d'elle, ça ne vous frappe pas? Mais enfin, Sinclair, la venue de l'assassin que redoute tellement Darzac, c'est Mathilde qui la favorise. Ah, vous êtes convaincu cette fois? C'est insensé. C'est positivement insensé. Alors, pour l'affaire de cette nuit, nous ne sommes que deux. Non, quatre. Ah ben, j'aime mieux ça. Les Bernier monteront la garde à tout hasard. Bon, remarquez, ça ne servira à rien. Quoi? Avant, mais si nous sommes obligés de tuer, le concierge pourra sans doute m'être utile après. Donc, on va peut-être se tuer. Ben, écoutez, si l'assassin nous y force... Dites, Joseph, si vous aviez prévenu le père Jacques... On aurait été cinq, c'est mieux que quatre. Non, non, non, non, non, pas le père Jacques. Et en mettant Sir Arthur Rhines dans le coup, on se retrouvait à six. Mais oui, c'est ça, puis à 12, mais c'est pas vrai. Vous voulez étaler les secrets de Mathilde sur la place publique et que tout le monde soit au courant? Mais pourquoi pas le tambour de la ville pendant que vous y êtes? Ah. Oui, non, bon, allez, je sens que vous allez pleurer. Excusez-moi, allez, allons dîner. Ah, vous m'avez dit que nous dînions chez Larsan? Oui, un coup chez lui, un coup chez moi. À moins qu'il ne soit encore aux trousses de ce pauvre Darzac. Il ne le lâche pas d'une semaine. Ouais. Cela dit, s'il n'est pas là en ce moment, je suis bien sûr qu'il sera là cette nuit. Ah. Et lui, malgré toute sa science, je vais me le payer. Naturellement, devant lui, pas un mot de l'opération de cette nuit. Élémentaire, mon cher Watson. Mmh. Nous opérons seuls, pour notre propre compte. Et ainsi, toute la gloire sera pour nous. Tu l'as dit, Bouffi. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 16e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Sir Arthur Rantz, Philippe Clay, Madame Mathieu, Monique Gérard. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 août 1983. Quelques années plus tôt, à la Maison de la Radio, était organisée une exposition à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Gaston Leroux et de la parution d'un recueil de 6 histoires épouvantables. Edgar Faure, alors président de l'Assemblée nationale, évoquait l'auteur du Mystère de la Chambre jaune. Après tout, vous trouvez qu'on est si loin de la politique ? C'est de la politique culturelle. Ce qui me frappait tout à l'heure en repensant à l'œuvre de Gaston Leroux et en recevant ce livre très bien présenté. Je ne l'ai d'ailleurs pas encore lu et je l'avoue dans ma préface. C'est le rôle qu'un écrivain comme lui joue au point de vue de la culture. Parce que si l'on veut habituer tout le public, les grandes masses, à lire, à s'instruire, on ne peut pas leur offrir uniquement des ouvrages savants, difficiles. Nous-mêmes, d'ailleurs, qui nous prétendons cultivés, nous aimons beaucoup ce genre de lecture. Or, des ouvrages aussi plaisants à l'esprit, aussi entraînants pour l'imagination, avec ce suspense, comme ceux de Gaston Leroux, sont en même temps des ouvrages bien écrits, bien composés, intéressants, où l'on glane beaucoup de renseignements sur beaucoup de choses. Donc, c'est un engin de culture. C'est un écrivain qui a un très bon style. En même temps, voyez-vous, il est l'égal des auteurs les plus récents, que l'on croit souvent des novateurs extraordinaires. Il est leur égal dans la recherche de choses futuristes, fantastiques. Mais en même temps, c'est un auteur qui n'a rien de malsain, de morbide, sans être du tout un auteur de patronage. Il y a des scènes terribles dans Gaston Leroux, mais ce n'est pas le côté morbide qui l'emporte. Il y a en même temps une sorte de gaieté chez lui. C'est un auteur optimiste et optimisant. Comment l'avez-vous connu, Monsieur le Président ? Je l'ai connu par hasard. J'étais étudiant, ou plutôt jeune avocat, je crois, à ce moment-là. Gaston Leroux était venu à Oulu-Sébain dans l'Ariège. Il faisait une cure avec l'eau thermale de cette station. Mon père était le médecin de cette station. Et il me dit, oh, j'ai un client extraordinaire, c'est un écrivain célèbre, Gaston Leroux. En effet, je me promène dans le parc, je vois un monsieur énorme en manche de chemise qui faisait comme ça de la gymnastique. Je ne me rappelle plus s'il avait des haltères ou s'il jouait simplement de ses bras. Je me présente, c'était Gaston Leroux, et nous avons eu quelques agréables conversations. Il était là avec sa femme et sa fille, d'ailleurs, que je vais retrouver, et qui est venue me voir pour me demander cette préface et ce patronage, Madeleine Gaston Leroux. Gaston Leroux était un écrivain un peu fantasque, un peu fou, un peu exubérant, sans nuance péjorative. Il était exubérant, et il raconte des histoires, comme on dit, à dormir debout, et cependant, il n'est pas invraisemblable. Il dit des choses impossibles, et cependant on le croit, pour deux raisons. D'une part, c'est un esprit extrêmement logique. Tout ce qu'il écrit s'enchaîne avec une logique imperturbable. C'est un esprit scientifique dans la littérature. Je me rappelle par exemple le calcul qu'il fait. Un train est passé, et la personne qui guettait ce train ne l'a pas vu. Il démontre, par des calculs scientifiques, que ce train va à une telle vitesse, que comme le client qui était là a éternué, il a calculé le temps pendant lequel l'éternuement privait de la vue et de l'ouïe, et que pendant ce temps-là, le train était passé. Il y a donc chez lui des histoires fantastiques, mais une logique imperturbable. Et d'autre part, il y a une description, tout de même assez juste, de la société. On sent qu'il connaît assez la vie de diverses classes de la société, notamment du petit peuple, de la petite bourgeoisie. Je me rappelle dans l'histoire de Théophraste Longuet, ou dans L'homme qui revient de Louan. Il comprend assez la vie de la société et il sympathise plutôt avec les gens qui sont d'origine humble et qui ont le goût de s'élever, mais qui ont aussi le sens de l'humain et de l'humour. Edgar Faure sur France Inter le 8 mars 1977. Vous pourrez réécouter cet épisode, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, le 17e épisode du Mystère de la Chambre jaune.